Bonjour à vous tous, voici les grands titres de cette grande édition de la mi-journée. Nous sommes le 15 février 2019. Le ministère de la Santé publique rappelle que les malades portant le VIH-SIDA ne sont pris en charge que pour les maladies liées à ce virus. Pour les autres traitements, ils doivent payer comme les autres patients. Santé toujours avec l'inauguration ce vendredi à Kayanza de la polyclinique Espoir qui dispose de certains nouveaux services qui n'existaient pas à l'hôpital de Kayanza. Et les cyclistes faisant le transport rémunéré des personnes et des biens en commune Provence Rumonge se plaignent du double paiement de la taxe annuelle, mais l'administrateur de cette commune n'y voit aucune entorse à la loi. Et le médiateur burundais Edouard Nduwimana demande au service de l'urbanisme de ne pas attribuer des parcelles appartenant à des individus pour limiter des conflits. À la fin de ce journal dans la chronique environnement, comme tous les vendredis, on parlera de l'appel du directeur de la fertilisation pour une implication effective du gouvernement dans la sensibilisation des agriculteurs pour la lutte contre l'acidité des sols. Voilà pour les grands titres. La radio de l'avenir. Oh bonjour. Le ministère de la Santé publique affirme que les personnes vivant avec le VIH-SIDA sont soignées gratuitement jusqu'ici. Seulement, des paiements sont exigés pour le traitement de certaines maladies qui ne sont pas liées au virus. Docteur Jean Bosco Guilokuishaka, porte-parole du ministère, donne comme exemple la malaria. Ou quand une personne a eu un accident, le patient doit payer pour être soigné même s'il a le VIH. Il le dit après que certains patients de RBP+, Ngozi, aient soulevé le problème de non-prise en charge médicale comme c'était dans le temps. Jean Bosco Guilokuishaka précise que ce qui a changé depuis 2018, c'est que la gratuité est observée pour toute maladie liée au VIH et SIDA. Pour les autres, les patients doivent payer. Il s'exprime au micro de Léon Suitalio. Dans le temps, pour la subvention antérieure, toutes les maladies étaient donc prises en charge gratuitement. Mais pour le moment, cela a changé. En Ngozi, les patients disent qu'on leur exige de présenter la carte d'assurance maladie ou la carte de la mutuelle de la fonction publique, comme si ces personnes étaient comme les autres malades ordinaires. Là, il faut nuancer les choses. Si c'est un patient affilié à la mutuelle de la fonction publique, il y a une contrepartie qui doit être payée par la mutuelle. Cela donc est exigé pour que la société d'assurance maladie puisse payer ce qu'elle doit payer pour son affilié. Le reste sera donc pris en charge dans le cadre de la subvention. C'est-à-dire que vous affirmez que la prise en charge médicale pour les patients, les PVVIH, est gratuite. Là, j'affirme haut et fort que les bilans médicaux et les soins médicaux liés au VIH, mais aussi aux infections opportunistes liées à ce virus, sont gratuits. Des patients qui sont regroupés au RBP+, Ngozi, disent que le problème a commencé à se poser en octobre 2018. Est-ce que la situation ne serait-elle pas liée au départ de certaines organisations non gouvernementales étrangères? Non, il n'y a aucune liaison, puisque la gratuité pour les patients du VIH, c'est une subvention du Fonds mondial. La subvention est donc une durée de 3 ans. La subvention antérieure représentait un montant largement supérieur au montant actuel de 46 millions de dollars à 29 millions aujourd'hui. Donc pour la subvention actuelle, le Fonds mondial n'avait pas un montant assez suffisant. Alors, il revient à chaque pays de prioriser. Pour le VIH, on n'est pas inquiété. Tout ce qui concerne la maladie VIH est pris en charge gratuitement. Voilà, c'était le porte-parole du ministère de la Santé publique, Dr Jean Bosco Guilokuishaka, au micro de Léonce Vitalio. Inauguration ce vendredi à Kayanza de la polyclinique Espoir par l'assistante du ministre de la Santé publique de la lutte contre le sida. Le médecin provincial de Kayanza salue la venue de cette infrastructure qui, d'après lui, dispose de certains services qui n'existaient pas à l'hôpital de Kayanza. Et le ministre burundais des Relations extérieures déplore la persistance des sanctions qui ont été prises contre le Burundi par certains pays lors de la présentation ce jeudi de ses réalisations au cours de l'année 2018. Le ministre a parlé du renforcement de la coopération du Burundi avec d'autres États. Ezekiel Niwigira regrette néanmoins que le budget de fonctionnement alloué à son ministère reste insuffisant. On fait le point avec Moïse Misago. Le renforcement des relations diplomatiques entre le Burundi et d'autres États est au centre des réalisations du ministère des Relations extérieures. Ezekiel Niwigira ajoute que des relations diplomatiques se sont renforcées entre le Burundi et les pays asiatiques. Les autorités du ministère des Affaires étrangères au Burundi ont également effectué une visite à Beijing en Chine et ont eu des échanges fructueux avec les autorités du ministère des Affaires étrangères de la Chine sur le renforcement de la coopération bilatérale entre les deux pays. Dans le but d'élargir davantage le cercle des amis du Burundi, de nouveaux partenaires bilatéraux ont été identifiés. Lors de ces réalisations, quelques contraintes se sont observées. Le ministre Niwigira s'indigne du fait que le Burundi reste sur la table de l'ONU alors que la sécurité s'est améliorée. Il ajoute que le budget de fonctionnement alloué à son ministère reste insuffisant. Quelques contraintes sont apparues. La persistance des sanctions injustes infligées au Burundi en application de l'article 96 de l'accord de Cotonou. L'inscription persistante du Burundi sur l'agenda du Conseil de sécurité de l'ONU, le mauvais voisinage du Rwanda, le budget de fonctionnement du ministère des Affaires étrangères qui ne permet pas la réalisation aisée de son plan d'action. Le ministre Niwigira promet de redoubler d'efforts pour chercher d'autres partenaires ainsi que d'autres nouvelles conventions pour l'année 2019. Merci Moïse. Et certains habitants de la ville de Gitega se réjouissent que cette province est devenue aujourd'hui la capitale politique du pays. Et depuis que ce projet a été annoncé, ils affirment que les avenues reliant différents quartiers de cette nouvelle capitale sont plus propres qu'avant. D'autres pensent plutôt que Gitega n'a pas encore changé grand-chose. Ce projet est salutaire parce qu'il permettra à Gitega, nouvelle capitale, de se développer. Aujourd'hui, tout est en ordre. La sécurité est bien garantie. Moi, je n'y vois aucun intérêt. Tout est comme avant. Lorsque la capitale est implantée dans votre zone d'habitation, en tout cas, pas mal de choses changent. Il y en a qui vont en profiter et d'autres non. C'est bon que Gitega ait été déclarée capitale politique. Mais je pense que Gitega ne pourra jamais être comparé à Bujumbura. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. L'actualité se poursuit. Plus de 500 réfugiés formant 152 ménages ont été rapatriés ce jeudi par le Haut Commissariat pour les réfugiés ACR. Ils sont rentrés en provenance de la Tanzanie dans les camps Nyarugusu, Nduta et Mutenderi. Ils ont été accueillis dans le centre de transit de Gitara, se trouvant dans la commune Mabanda de la province Makamba, d'où nous appelons notre correspondant Jérôme Hakizimana. Celui-là est l'un des réfugiés rapatriés ce jeudi par le Haut Commissariat pour les réfugiés HCR en provenance de la Tanzanie dans les camps de réfugiés de Nyarugusu, Nduta et Mutenderi. Il dit être content de rentrer dans son pays natal et revoir sa famille après 4 ans étant en exil. Cependant, il ajoute qu'il y va tout de suite continuer ses études. Hitimana Speciose, elle est une mère de 3 enfants, indique que ce qui l'a poussée à rentrer, c'est parce qu'elle a entendu qu'au Burundi, il y a la paix et lance appel aux autres réfugiés qui ne sont pas encore rentrés de venir contribuer dans la construction de notre pays, le Burundi. Après son discours de les accueillir dans ce centre de transit de Guitara dans la commune Mabanda, province Makamba, le représentant de l'État, Kabura Prudence, le directeur chargé de la réinsertion, les a stabilisés, leur affirmant qu'au Burundi, la paix domine dans toutes les provinces. Même la représentante adjointe du HCR au Burundi, Madame Mariam Diallo, les a souhaités un bon retour après quelques années en exil et les a remerciés d'être venus nombreux. Au nom du HCR, nous déclarons ici que nous sommes très très contents, encore une fois, contents de vous recevoir. Voilà, nous sommes en partenariat et derrière le gouvernement pour vous accueillir encore et assurer un certain petit temps pour la réinsertion en appui avec le gouvernement dans votre pays. Alors merci d'être rentrés nombreux et venez encore plus nombreux. Ceux qui sont repatriés aujourd'hui sont au nombre de 517, dont 152 ménages, et presque tous sont de la province Rutana, après 879 rapatriés, dont 251 ménages, rapatriés mardi de cette semaine, qui étaient tous originaires de la province Makamba, surtout dans la commune Yanzalak. Depuis Makamba, Jérôme Hakizimana, Radio Isanganiro. Merci Jérôme, on reste au sud du pays pour vous dire que les cyclistes faisant le transport rémunéré des personnes et des biens, commune et province Rumonge, se lamentent qu'ils sont en train de payer pour une deuxième fois la taxe annuelle de leur vélo pour ceux qui l'ont payé dans d'autres provinces. Célestin Itang, administrateur de la commune Rumonge, explique qu'il n'y a aucune violation de la loi. Jean-Pierre Misako. Les cyclistes qui font le taxi vélo en commune et province Rumonge et qui sont originaires d'autres provinces, sont ceux-là qui se lamentent. Selon leurs propos, ils paient la taxe annuelle de leur vélo dans leur commune d'origine quand ils envisagent regagner Rumonge après les fêtes de Noël et de Nouvel An. Selon eux, ils procèdent ainsi afin d'éviter d'éventuels désagréments liés à cette taxe en cours de route, estimant que l'argent payé dans leur commune respective est rentré dans les caisses de l'État. Ils trouvent injuste de payer la même taxe une deuxième fois pour une même année et demandent d'être rétablis dans leurs droits. Célestin Nitanga, administrateur communautaire de Rumonge, dit qu'il n'y a aucune irrégularité quand les percepteurs de taxes dans sa commune exigent à ses cyclistes de payer en commune Rumonge. Selon lui, cette taxe annuelle est payée là où on exerce son métier et cela a été d'ailleurs convenu dans une rencontre entre les deux parties. Jean-Pierre Misago, depuis Rumonge, Radio Isanganiro. Et la session ordinaire du Conseil national de la communication vient de décider d'envoyer des correspondances aux organes de presse dont les directeurs ne résident plus au pays et aux organes qui ne procèdent plus aux dépôts administratifs de leurs publications. Dans une conférence de presse ce vendredi, le président du CNC a indiqué que ces dépôts facilitent le bon monitoring des informations qui sont diffusées par ces organes. Et en ce qui concerne ces directeurs des organes de presse, Nestor Bang Mukonzi explique que ces organes doivent respecter la loi régissant la presse au Burundi. Il a été question de nous pencher sur les dossiers de certains organes de presse qui ont failli à leur mission, à la loi, notamment les journaux qui ont cessé de procéder au dépôt légal, mais aussi sur les journaux dont les directeurs résident depuis longtemps à l'extérieur du pays. Il a été proposé qu'on envoie des correspondances à ces organes de presse pour les inviter à procéder au dépôt administratif en vue de faciliter le travail de monitoring au Conseil national de la communication. Il a été également proposé que des correspondances soient transmises aux organes de presse dont les directeurs se trouvent en dehors du pays, parce que c'est contre la loi, pour leur demander de bien vouloir se conformer rapidement à la loi. Et nous espérons que cette invitation va tomber dans de bonnes mains. Sinon, nous sommes dans l'obligation de faire respecter la loi dans toute sa lettre, dans tout son esprit. Il y a un non-respect de la loi parce que c'est la loi régissant la presse prévoit que tout directeur d'un organe de presse œuvrant au Burundi doit lui-même résider au Burundi. Qu'il y a des directeurs ad intérim, c'est vrai, mais cela a des limites. Et cela pose problème parce que, vous savez, quelqu'un qui assure l'intérim, il est quelque part limité au niveau de la prise de décision. Si bien que au niveau des différentes rencontres qu'on fait, il peut arriver que cette personne qui assure l'intérim ne soit pas à même de répondre spontanément à nos questions. Nestor Wangomukunzi, c'est le président du Conseil national de la communication. Et le médiateur burundais Edouard Nduwimana demande au service de l'urbanisme de ne pas attribuer des parcelles appartenant à des individus pour limiter des conflits. Il l'a dit ce vendredi lorsqu'une famille de Rukaramu en commune Mutimbuzi de la province de Bujumbura était venue chez l'ombudsman pour réclamer la libération de 10 membres de cette famille incarcérés depuis ce jeudi suite au conflit qui les oppose avec des personnalités qui leur ont spolié une propriété de plus de 2 hectares. L'ombudsman Edouard Nduwimana a tranquillisé cette famille, que ces personnes seront libérées ce vendredi même et qu'ils comptent prendre en main cette affaire. Les détails avec Évariste Nzikobanyanga. À plus de 50 personnes, elles ont indiqué à la presse qu'elles étaient venues plaider à l'endroit de l'ombudsman burundais afin qu'il puisse les aider pour que leur propriété spoliée au grand jour leur soit restituée. Ces personnes demandent également que 10 de leur famille arrêtés ce jeudi et incarcérés à la prison de Mimba suite à ce conflit foncier soient libérés. Cette famille de Rukaramu a également cité nommément certaines des personnalités qui sont derrière cette expropriation. Mugirente Thomas, il est mentionné si son dossier qu'il est autorisé à bâtir en zone Ngagara alors que notre propriété se trouve à Rukaramu. Nibigira Fides, son dossier indique qu'elle devrait bâtir à Nahangwa. Suguru Olivier, lui aussi, devrait bâtir en Ngagara également. Uchumi Samuel est connu par tout le monde. Lui aussi, sur ses papiers, il est mentionné qu'il devrait construire en Ngagara. Ces derniers possèdent des documents frauduleux. Il faut que les autorités se saisissent de cette affaire pour que nous soyons rétablis dans nos droits. L'ombudsman burundais tranquillise cette famille de Rukaramu, qu'elles leur seront libérées ce vendredi même et qu'il va prendre en main leur dossier. D'abord, ces personnes étaient venues ici hier. Nous les avions reçues à travers nos services qui les avaient écoutées. Nous avons même effectué une descente sur terrain et nous avons effectivement constaté que sur ce terrain, il y a des maisons qui sont en train d'être érigées. Le problème maintenant, c'est que parmi les membres de cette famille, il y en a qui ont été arrêtés, incarcérés. Ils sont venus donc ici pour réclamer leur libération entre les citoyens et l'administration. Donc les citoyens qui sont venus en sit-in ici, nous avons déjà contacté les services compétents, nous avons contacté le procureur général de la République qui nous a promis de libérer provisoirement ces personnes qui sont détenues. Edouard Nduwimana demande à ces personnes lésées de ne plus utiliser le forcing dans cette affaire. Il a fait également un clin d'œil à ceux-là qui sont en train de bâtir dans cette propriété litigieuse. À l'endroit de ceux qui sont en train de construire ces maisons, nous leur demandons de sursoir à ces constructions, d'autant plus que nous apprenons qu'ils construisent pendant la nuit avec la surveillance des corps de police. Généralement, quand quelqu'un a le droit de propriété, quand quelqu'un a un droit sur une propriété, il ne doit pas construire pendant la nuit. C'est donc peut-être une des preuves qui montre que ce terrain est litigieux. En ce qui est des dossiers des populations de Buterere et Gasenyi, l'ombudsman burundais tranquillise qu'ils sont en cours d'analyse. Évariste Nzikobanyanga. Et certains jeunes sans emploi se sont regroupés en une coopérative appelée Kojeta qui transforme des produits agroalimentaires comme du piment, ce qui leur confère une certaine autonomie financière. Ces jeunes évoquent cependant le manque de moyens suffisants et réclament à l'autorité publique un appui matériel et financier. On fait le point avec Vestine Otoi. Ces jeunes entrepreneurs se sont créés une coopérative pour la transformation des produits agroalimentaires grâce à une formation qu'ils ont reçue au centre de formation professionnelle de Kigobe. Un de ceux-ci indique qu'à cause du chômage d'emploi qui s'observe partout dans le pays, ils se sont mis ensemble pour se créer de l'emploi et en donner aux autres. Vu la pauvreté qui enrichit la jeunesse burundaise, maintenant c'est là où on s'est mis ensemble pour regarder si on peut avoir une occupation. Il ajoute que leur capital est provenu de leur cotisation personnelle. À base de la formation que nous avons pu avoir ici, nous avons pu avoir une autre idée de faire la cotisation entre nous. Pour cette jeune fille, cette coopérative leur est beaucoup utile car à part de se mettre ensemble avec les autres, ils peuvent satisfaire certains de leurs besoins. Je peux m'entretenir avec les autres pour le bien-être du pays. Avec les moyens que j'obtiens ici, je peux m'acheter ce que je veux à moi-même. Des difficultés ne manquent pas, entre autres le manque d'infrastructures, des machines et l'accès difficile à la certification de leurs produits par le bureau de contrôle et de la normalisation de la qualité BBN. Au moment où ces jeunes demandent aux autorités habilitées de les appuyer matériellement et financièrement, ils interpellent les autres jeunes sans emploi de se mettre en groupe afin de mener les activités qui pourraient améliorer leurs conditions de vie. Merci Vestine du sport avant la chronique environnement. Après une pause d'un mois pour les équipes de football évoluant dans le championnat de la première division, la Primus League reprend ce vendredi. Honorable Denis Carrera, président de Moussangati FC qui occupe la deuxième place, indique que son équipe en a profité pour mieux se préparer pour les matchs à venir afin de remporter le trophée de cette édition en cours. Quant à Kazadi Miramgué, entraîneur de Messager Bujumbura, qui se retrouve en dernière position du classement provisoire, estime que cette pause était un moment crucial pour corriger les fautes afin de quitter la zone de relégation. Jean-Marie Vianney, Gendakoumane. Radio Isanganiro, chronique environnement. Vous voudrez bien nous excuser pour ce raté dans ce journal. On passe maintenant à la chronique environnement. Le gouvernement devrait s'impliquer dans la sensibilisation des agriculteurs afin de lutter contre l'acidité du sol. C'est un souhait du directeur de la fertilisation des sols au sein du ministère de l'Environnement, Agriculture et Élevage. Prosper Dodico lance un appel aux agriculteurs de se confier aux agronomes en cas de besoin. La chronique environnement est signée Christella Nizigama. Précédemment, dans la chronique environnement, Prosper Dodico, directeur de la fertilisation des sols au sein du ministère de l'Environnement, Agriculture et Élevage, nous a parlé du principe de correction d'un sol acide par l'utilisation des engrais chimiques. L'usage de ces dernières ne suffit pas à elles seules. Elles doivent être mélangées avec des engrais naturels afin de permettre le développement de la plante. Selon lui, le gouvernement s'est beaucoup impliqué pour mettre ces engrais à la disposition des cultivateurs. On commence par le gouvernement qui a déjà fourni ses efforts en subventionnant à plus de 70% la Doromie. Autrement dit, la Doromie est remise à la disposition des agri-éleveurs à un prix très promotionnel pour contribuer à cette lutte contre l'acidité. La place prépondérante est donnée à ces agriculteurs qui doivent fournir des efforts dans la lutte contre l'érosion. Les agri-éleveurs devraient obligatoirement d'abord protéger le sol contre l'érosion qui emporte les cations utiles au développement de la plante, apporter la matière organique pour faire face aux phénomènes d'exploitation des cultures par des récoltes. Les agri-éleveurs occupent une place de choix dans la lutte contre l'acidité en faisant les éléments que je viens de citer. Prosper Dodico demande aux agronomes d'être en contact permanent avec les agriculteurs pour leur prodiguer des conseils et cela gratuitement. Les agronomes qui sont au quotidien en contact avec les agri-éleveurs pour leur donner conseils d'application non seulement de la matière organique mais aussi des engrais chimiques, aussi la doromie afin de garantir la production. Cet expert fait savoir qu'il y a d'autres cas d'appui aux agriculteurs jusqu'à la transformation des produits agricoles. Les techniciens du ministère de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage qui appuient techniquement les agri-éleveurs dans tout le processus de production. Non seulement la lutte contre l'acidité, mais aussi dans tout le processus jusqu'à la récolte, jusqu'à la conservation des récoltes. Prosper Dodico, directeur de la fertilisation des sols au sein du ministère de l'Environnement, Agriculture et Élevage, lance un appel aux agriculteurs de se regrouper en association, c'est facile de les appuyer car selon lui, nul n'est une île. C'était la chronique environnement de Christella Nizigama. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Un bon après-midi à tous.